sens ces frissons me parcourir le dos. Dès que j'ai entendu un son de batterie, de guitare ou de piano, l'homme trouve un bout de bois. Il va tout de suite essayer de trouver une peau. Si j'ai une table devant moi, je vais taper dessus avant de rougir la peau. Ton cœur, c'est le battement.